des senteurs printanières accrochées au rideau. Une odeur de tambouille et de boule au pot. Petit feu de cheminée qui ronronne aussitôt. Mélodie qui s'élève du cœur d'un piano. Le boucan de quatre enfants qui craque à Goldorak. La mémé éternuée, on entend sa dent qui claque. Le chat qui se pavanait a renversé le jeu de cartes. Pendant que mémé s'étouffe, échoppe une attaque. Stupéfaction, qu'on sonne à la porte. C'est Eugène à l'improviste qui vient de la sorte. Les mains vides comme d'habitude, on l'appelle le cloporte. La sœur qu'un regard avorte, remis ses fesses dans son short. Et tout à coup c'est le drame, tonton ignore mémé. Étendu sur la moquette et s'y prend les pieds. Tombe dans la cheminée qui verse ses braises violacées. Dans la corbeille à linge qui n'avait rien demandé. Homme, sweet homme. C'était une chouette soirée, ambiance surchauffée. Et Pépé quand il y pense, compte à la veillée. Que le gros de la troupe était carbonisé. Lorsque son Walkman sur la tête de son bain se dépêtrait. Home, sweet home.